maman. Ça fait longtemps que je voulais t'écrire, c'est le moment. Pour toi et pour toutes les mères du monde, maman. Celle qui réchauffe nos cœurs, qui nous protège des bombes, maman. Oh, maman. Merci de me permettre d'être ou d'être maître de ma destinée. Toujours me donner le feu, en me laissant libre de dessiner. Au fond de mon cœur, je remercie ciel de t'avoir désigné. Pour me protéger, me guider et m'enseigner. Et tu as signé. Depuis tu ne m'as jamais lâché malgré toutes mes plaies qui ont saigné. Et tu as vite compris que je les soignerai avec du son. Alors tu ne m'as jamais privé de ma guérison. Tu m'as ouvert la voie pour que je puisse vivre de ma passion. Oui c'est fou de voir l'importance de l'éducation. Donner la vie c'est bien, en prendre soin c'est autre chose. Je m'en fous de tous ceux qui diront que ce texte est à l'autre rose. L'amour c'est vital et j'en ai eu à haute dose. Depuis tout petit tu m'entends chanter, je te dédie ces belles proses. L'éducation parfaite n'existe pas. Si c'était à refaire je n'hésiterais pas. L'éducation parfaite n'existe pas. Même au plus bas, tu m'as ouvert les bras. Ce que la mère donne, l'enfant l'enregistre à vie. Quand on pardonne, alors on grandit. Toutes les blessures ne datent pas d'hier. Une chose est sûre, toutes les mamans sont des guerrières. Des guérisseuses qui assurent nos arrières. Oh maman, ça fait longtemps que je voulais t'aigre, c'est le moment. Pour toi et pour toutes les mères du monde, maman. Celle qui réchauffe nos cœurs, qui nous protège des bombes, maman. Oh, maman. Trouver cet équilibre entre tenir et lâcher. Entre tout dire et cacher, entre sévir et gâter. La frontière entre réussir et gâcher. Aux quatre coins du globe, elles se battent pour nous nourrir. Bien plus qu'un job pour nous, elles pourraient mourir. Quand l'instinct maternel te fait courir. Mais la récompense est voir ton enfant sourire. Un lien sacré se crée pendant 9 mois. Personne ne connaît tous mes secrets sauf toi. Enfin presque, j'en garde quelques-uns pour moi. Conserver ce lien, savoir faire les bons choix. L'amour c'est tellement vital. Attention, on se retrouve vite seul. Profite, l'amour c'est vital. Apprendre à faire le vide seul. Ça fait longtemps que ça devait arriver tel un désastre. Papa nous a quittés et y a rejoint les astres. À tous les pères et les mères partis trop tôt. On ne vous remplacera jamais par une photo. Oh, éphémère. Oh, éphémère. Oh, éphémère. Merci d'être là pour moi depuis le berceau. Allez, je m'arrête, là, ma feuille est déjà au verso. Ça fait longtemps que je voulais t'écrire, c'est le moment. Toi qui as tant donné depuis tout ce temps. C'est à moi de prendre soin de toi maintenant. Oh maman. Oh maman. Oh, mama.